Disposant ainsi de deux billets écrits de la main de Riblas, Don Salluste lui fit alors revêtir une écharpe à laquelle pente une épée, le couvre d'un chapeau et lui met sur le dos son propre manteau, au moins où apparaît un autre grand d'Espagne. Faisant passer Riblas pour son cousin Don César, Don Salluste le présente ainsi à toute la cour. Après le passage de la reine, Don Salluste, avant de s'exiler, ordonne à Riblas de plaire à cette femme et d'être son amant.